Vous êtes de retour à l'émission Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. Et pour ma chronique cette semaine, je vous amène dans le golfe Saint-Laurent parce que décidément, il se passe quelque chose d'assez inhabituel cette année. Non seulement la température moyenne de l'eau a connu une augmentation sans précédent, mais de nombreux cas de mortalité dans les populations d'oiseaux et de poissons et même de mammifères marins ont été recensés. Donc, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une mortalité inhabituelle des nouveau-nés Beluga qui est survenue cet été dans le Saint-Laurent. En fait, c'est pas moins d'une quinzaine de carcasses de nouveau-nés qui ont été trouvées en moins de 2 mois. Et comme le Beluga est une espèce emblématique de la fragilité du fleuve Saint-Laurent, je trouvais que c'était un sujet passionnant et c'est un peu inquiétant aussi, pour tenter d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission M. Robert Michaud, qui est directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Bonjour M. Michaud. Bien le bonjour. Et merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi le Beluga est-il encore une espèce qui est en difficulté aujourd'hui? C'est une bonne question. En fait, j'ai pas de réponse satisfaisante et c'est ce qui nous inquiète le plus. Pour revenir un peu dans l'histoire, le Beluga a été l'objet d'une chasse commerciale assez importante. En fait, même au début de la colonie, dans les années 1700 et 1800, il y avait une chasse importante. Cette chasse-là a périclité au début des années 1900 pour prendre fin autour de 1950 parce que la chasse n'était plus rentable. La population a été presque décimée à ce moment-là et à partir du moment où on a commencé à dénombrer les belugas, on a estimé que leur nombre était autour de 1000 et ça représente à peu près 10% du nombre qu'on croit qu'ils étaient au début des années 1900. Alors, il y a eu une chute considérable dans la taille de la population. Et depuis qu'on a commencé à les compter, à la fin des années 80, mais la population n'a pas montré de signe de rétablissement. La population est stable autour de 1 100 individus, ou plutôt, je devrais dire, était stable autour de 1 100 individus. Et cette stabilité-là, apparente, nous inquiète parce qu'une population en santé devrait augmenter de 1, 2, 3 % par année. Et la principale hypothèse, c'est que c'est l'importante charge de contaminants dans les belugas du Saint-Laurent qui ont été exposés à ces contaminants-là pendant les dernières décennies, qui a retardé le rétablissement de la population des belugas. OK. Et vu que le beluga est déjà une espèce assez fragile, on dénote des mortalités, j'imagine, assez régulièrement, mais en quoi les mortalités de cet été ont été un peu inhabituelles? En fait, effectivement, depuis 30 ans maintenant, on fait un suivi assez étroit des mortalités de beluga parce qu'on s'inquiète du sort de la population. Et à tous les années, on retrouve à peu près 15, 20, 18 carcasses de beluga qui s'échouent sur les rives du Saint-Laurent. Cette année, au cours de l'été, c'est 17 maintenant, 17 carcasses de nouveau-nés qui ont été retrouvées. Comparativement à habituellement, entre 0 et 3 carcasses de nouveau-nés. Quand je vous disais qu'on retrouvait entre 15 et 20 carcasses à chaque année, ça c'est tous les âges confondus, les adultes et les jeunes. Okay. Mais de 1982 à 2007, c'est seulement 0 à 3 carcasses de nouveau-nés qu'on retrouvait. En 2008, on a retrouvé plusieurs, en fait 8. En 2010, on a retrouvé 11. Et en 2012, cette année, cet été, on a retrouvé 17 mortalités de nouveau-nés. Et cette hausse apparente, et cette hausse spectaculaire de la mortalité néonatale, la mortalité chez les jeunes, et n'est pas la seule observation inquiétante. On a aussi dénoté un changement dans le type de mortalité chez les femelles. Ah oui? Les femelles qui font l'objet d'un suivi attentif parmi les carcasses qui sont retrouvées échouées sur les rives du Saint-Laurent. De 1982 à 2009, une de ces femelles-là sur 10% des femelles qu'on retrouvait mortes étaient mortes, on pourrait dire, en couche, c'est-à-dire juste avant, pendant ou après avoir donné naissance. En 2010, 11 et 12, c'est 8 sur 15 femelles qu'on a retrouvées mortes qui étaient mortes en couche. Alors, ces dernières observations-là nous indiquent clairement qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème actuellement au niveau de la reproduction. On ne connaît pas la cause de ce problème-là, il y a plusieurs hypothèses, et les observations de cet été, en quelque sorte, ont redémarré une enquête intensive sur la situation des bélugas du Saint-Laurent. Il y a un drapeau qui était jaune sur le suivi de la population, puis maintenant le drapeau est au rouge. Ah, j'imagine. Et chacun de son côté, on part avec ces nouvelles observations-là, on retourne dans nos données, puis on se demande mais qu'est-ce qui se passe bien avec les bélugas du Saint-Laurent, mais surtout, et aussi, quel va être l'impact sur la survie de cette population. Je vous disais tout à l'heure qu'on présumait que la population était stable autour de 1 000-1 100 individus si on analyse les données des recensements les plus récents de la population. Mais ce niveau de mortalité-là inquiète évidemment. Puis là, la prochaine question, c'est est-ce que ces mortalités-là ont eu un effet sur la taille et la trajectoire de la population? Et ça, c'est inquiétant. Et d'ailleurs, ça va peut-être être long avant qu'on sache, comme vous le disiez, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait quand on retrouve une carcasse de béluga? Bien, en fait, chaque signalement de carcasse de béluga est le début d'une véritable enquête. On a créé un réseau d'urgence pour les mammifères marins. On a un numéro 877. En fait, c'est 1-877-7-baleine avec des affiches un peu partout dans le territoire de l'estuaire maritime du Golfe. Les gens connaissent le programme. S'ils retrouvent une carcasse, ils nous appellent. Si on reçoit un appel, on envoie un témoin pour valider l'observation. Si c'est confirmé, il y a quelqu'un qui va aller sur le site de l'échouage, évaluer la condition de l'animal. Si l'animal est suffisamment frais, il sera transporté jusqu'à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et là, il y aura une nécropsie complète qui va être effectuée. Si l'animal n'est pas suffisamment frais, bien là, on prendra des échantillons, la dent, les dents pour évaluer l'âge, des morceaux de gras pour évaluer la charge en contaminants, la peau pour extraire l'ADN, pour avoir le profil génétique de l'animal. Alors, et chacun de ces morceaux-là s'en va dans différents laboratoires. C'est une véritable enquête et ce programme-là se poursuit maintenant depuis 30 ans. Et c'est un des programmes de recherche à long terme qui nous permet de suivre en quelque sorte l'évolution du Saint-Laurent. C'est un programme qui a déjà produit une quantité phénoménale d'articles scientifiques et de toutes sortes, mais qui a aussi une valeur de suivi. C'est comme une espèce de fenêtre qu'on ouvre sur le Saint-Laurent pour comprendre son évolution. Et j'ai remarqué quelque chose justement dans l'actualité ces dernières semaines. Il y a un phénomène un peu particulier qui s'est déroulé. Il semblerait qu'il y a un béluga qui a décidé d'élire domicile dans le port de Montréal. Il y a effectivement un béluga qui nous a été signalé le 8 octobre dernier, après parution des premiers... Première mention dans les médias, on a pu reconstituer l'histoire du béluga. Le béluga serait apparu dans le Vieux-Port de Montréal le 28 septembre. C'est la première observation qui nous a été transmise. Et il était encore là hier. C'est un animal qui est évidemment très, très loin de son habitat naturel. Il est étant dans l'eau douce, il a commencé à montrer des signes de problèmes avec sa peau. Sa peau est en train de se transformer, ouvrant ainsi la porte à toutes sortes d'infections. L'animal, on est allé l'investiguer, on est allé faire une évaluation de sa condition au début de la semaine avec le docteur Stéphane Laird de l'Université de Montréal. Et l'examen qu'on en a fait suggère que l'animal est dans une condition assez mauvaise, en ce sens qu'il est très amaigri. On ne sait pas si sa condition actuelle est le résultat de son séjour dans le Vieux-Port de Montréal ou c'est sa condition qui prédate son arrivée là-bas, qui l'a entraîné dans le secteur là-bas. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer la situation, qu'est-ce qui pourrait être fait, est-ce qu'on va laisser l'animal à son sort, ce qui est habituellement ce qui est fait avec les mammifères marins au Québec. On a des animaux en difficulté. Si c'est pour une cause naturelle, on a choisi, au cours des dernières années, d'adopter une attitude de laisser aller. On laisse la nature faire son cours. Si c'est un incident qui a une cause artificielle, c'est-à-dire si c'est un animal qui est pris dans un filet, par exemple, bien, on va faire des efforts pour sauver l'animal à tout prix, quand c'est possible. Mais dans le cas des espèces en péril, comme les bélugas du Saint-Laurent, bien là, on fait une évaluation à la pièce, c'est-à-dire est-ce que la condition de l'animal est réversible? Est-ce que si on faisait quelque chose, est-ce qu'on pourrait sauver l'animal? Après ça, on va évaluer la nature de cet animal-là. Est-ce que cet animal-là, s'il est sauvé, pourrait contribuer au rétablissement de la population? Si cet animal-là s'avérait être une jeune femelle, c'est un jeune animal, effectivement. Si ça s'avérait être une jeune femelle, bien là, on devrait passer à l'autre étape. Est-ce qu'on peut intervenir pour ramener cet animal-là. On n'a pas encore la réponse à cette question-là, mais c'est une question qui est en cours d'examen présentement. Parce que le fait qu'il soit en eau douce, est-ce que c'est la plus grande menace, on pourrait dire, à sa survie? Parce que vous me dites que ça peut ouvrir la porte à des infections. J'imagine que c'est dangereux. Ben, effectivement, le fait qu'il est dans l'eau douce présentement, ça ne facilite pas son rétablissement. Ça peut complexifier. Ce qu'on ne sait pas encore, puis peut-être qu'on ne saura jamais, c'est qu'est-ce qui l'a amené jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que chez les populations sauvages, comme chez les bilougas, il n'est pas exceptionnel de voir des jeunes qui se retrouvent dans des habitats non familiers. Des jeunes, ça vaut chez les animaux, mais ça vaut chez les humains aussi, ont des tendances d'exploration. Okay. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est un jeune qui a fait une exploration qui a abouti dans un malheureux endroit ou c'était un animal qui était en difficulté avant d'entreprendre son périple dans la mauvaise direction. Et bon, c'est l'ensemble de ces informations-là qu'on évalue aujourd'hui, puis à savoir, bon, est-ce qu'on laisse l'animal à lui-même? Ce qu'on croit, c'est que s'il est laissé à lui-même, probablement qu'il ne retrouvera pas son chemin vers son habitat naturel au large de Tadoussac dans l'estuaire, et que probablement il va dépérir et mourir dans le Vieux-Port de Montréal. À ce moment-là, ben, on a à évaluer là, les... Et c'est pas une question simple. On accepte évidemment que des animaux aient à mourir. On accepte le rôle de la sélection naturelle et on gère à chaque année près de 500 appels pour des animaux en difficulté ou des animaux morts. Et quelquefois, on fait face à des discussions et des décisions difficiles. Celle-là en étude est peut-être une des plus difficiles auxquelles on a fait face au cours des dernières années. Est-ce qu'on doit laisser aller cet animal-là ou lui donner une chance parce que sa population est en péril et parce qu'on s'inquiète de plus en plus, en fait, du sort de la population des bélugas du Saint-Laurent? Eh bien, espérons que ce spécimen-là ne connaîtra pas un sort défavorable, ainsi que aussi le reste de la population du Saint-Laurent, là, qui est déjà assez en mauvais état, on pourrait dire. Mais merci beaucoup, M. Michaud, d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et nous faisons maintenant une pause musicale et nous serons de retour à Futur Simple au CKRL 89.1 avec François et Valérie.